Le Grand Mône, troisième partie. Chapitre 10. La maison de Franz. Mal rassuré, en proie à une sourde inquiétude que l'heureux dénouement du tumulte de la veille n'avait pas suffi à dissiper, il me fallut rester enfermé dans l'école pendant toute la journée du lendemain. Sitôt après l'heure d'étude qui suit la classe du soir, je pris le chemin des Sablonnières. La nuit tombait quand j'arrivai dans l'allée de sapins qui menait à la maison. Tous les volets étaient déjà clos. Je craignis d'être importun en me présentant à cette heure tardive le lendemain d'un mariage. Je restai fort tard à rôder sur la lisière du jardin et dans les terres avoisinantes, espérant toujours voir sortir quelqu'un de la maison fermée. Mais mon espoir fut déçu. Dans la métairie voisine elle-même, rien ne bougeait, et je dus rentrer chez moi, hanté par les imaginations les plus sombres. Le lendemain samedi, mêmes incertitudes. Le soir, je pris en hâte ma pèlerine, mon bâton, un morceau de pain pour manger en route, et j'arrivai, quand la nuit tombait déjà, pour trouver tout fermé aux Sablonnières, comme la veille. Un peu de lumière au premier étage, mais aucun bruit, pas un mouvement. Pourtant, de la cour de la métairie, je vis cette fois la porte de la ferme ouverte, le feu allumé dans la grande cuisine, et j'entendis le bruit habituel des voix et des pas à l'heure de la soupe. Ceci me rassura, sans me renseigner. Je ne pouvais rien dire ni rien demander à ces gens. Et je retournai guetter encore, attendre en vain, pensant toujours voir la porte s'ouvrir et surgir enfin la haute silhouette d'Augustin. C'est le dimanche seulement, dans l'après-midi, que je résolus de sonner à la porte des Sablonnières. Tandis que je grimpais les coteaux dénudés, j'entendais sonner au loin les vêpres du dimanche d'hiver. Je me sentais solitaire et désolé. Je ne sais quel pressentiment triste m'envahissait. Et je ne fus qu'à demi surpris lorsque, à mon coup de sonnette, je vis M. de Galais, tout seul, paraître et me parler à voix basse. Yvonne de Galais était alitée, avec une fièvre violente. Mône avait dû partir dès vendredi matin pour un long voyage. On ne sait quand il reviendrait. Et comme le vieillard, très embarrassé, très triste, ne m'offrait pas d'entrée, je pris aussitôt congé de lui. La porte refermée, je restai un instant sur le perron, le cœur serré, dans un désarroi absolu, à regarder, sans savoir pourquoi, une branche de glycine desséchée que le vent balançait tristement dans un rayon de soleil. Ainsi, ce remords secret que Mône portait depuis son séjour à Paris avait fini par être le plus fort. Il avait fallu que mon grand compagnon échappât à la fin à son bonheur tenace. Chaque jeudi et chaque dimanche, je vins demander des nouvelles d'Yvonne de Galais, jusqu'au soir où, convalescente enfin, elle me fit prier d'entrer. Je la trouvai, assise auprès du feu, dans le salon dont la grande fenêtre basse donnait sur la terre et les bois. Elle n'était point pâle comme je l'avais imaginé, mais tout enfiévrée au contraire, avec de vives taches rouges sous les yeux et dans un état d'agitation extrême. Bien qu'elle parût très faible encore, elle s'était habillée comme pour sortir. Elle parlait peu, mais elle disait chaque phrase avec une animation extraordinaire, comme si elle eût voulu se persuader à elle-même que le bonheur n'était pas évanoui encore. Je n'ai pas gardé le souvenir de ce que nous avons dit. Je me rappelle seulement que j'en vins à demander avec hésitation quand Mône serait de retour. « Je ne sais pas quand il reviendra, » répondit-elle vivement. Il y avait une supplication dans ses yeux, et je me gardais d'en demander davantage. Souvent je revins la voir. Souvent je causais avec elle auprès du feu, dans ce salon bas où la nuit venait plus vite que partout ailleurs. Jamais elle ne parlait d'elle-même, ni de sa peine cachée. Mais elle ne se lassait pas de me faire conter par le détail notre existence d'écolier de Sainte-Agathe. Elle écoutait gravement, tendrement, avec un intérêt quasi maternel, le récit de nos misères de grands enfants. Elle ne paraissait jamais surprise, pas même de nos enfantillages les plus audacieux, les plus dangereux. Cette tendresse attentive qu'elle tenait de monsieur de Galais, les aventures déplorables de son frère, ne l'avaient point lassée. Le seul regret que lui inspira le passé, c'était, je pense, de n'avoir point encore été pour son frère une confidente assez intime, puisque, au moment de sa grande débâcle, il n'avait rien osé lui dire non plus qu'à personne, et s'était jugé perdu sans secours. Et c'était là, quand j'y songe, une lourde tâche qu'avait assumée la jeune femme. Tâche périlleuse de seconder un esprit follement chimérique comme son frère. Tâche écrasante quand il s'agissait de lier parti avec ce cœur aventureux qu'était mon ami le grand Mône. De cette foi qu'elle gardait dans les rêves enfantins de son frère, de ce soin qu'elle apportait à lui conserver au moins des bribes de ce rêve dans lequel il avait vécu jusqu'à 20 ans, elle me donna un jour la preuve la plus touchante et je dirais presque la plus mystérieuse. Ce fut par une soirée d'avril désolée comme une fin d'automne. Depuis près d'un mois, nous vivions dans un doux printemps prématuré, et la jeune femme avait repris en compagnie de monsieur de Galais les longues promenades qu'elle aimait. Mais ce jour-là, le vieillard se trouvant fatigué, et moi-même libre, elle me demanda de l'accompagner malgré le temps menaçant. À plus d'une demi-lieue des Sablonnières, en longeant l'étang, l'orage, la pluie, la grêle nous surprirent. Sous le hangar où nous nous étions abrités, contre l'averse interminable, le vent nous glaçait, debout l'un près de l'autre, pensifs devant le paysage noirci. Je la revois, dans sa douce robe sévère, toute pâlie, toute tourmentée. « Il faut rentrer, » disait-elle. « Nous sommes partis depuis si longtemps. Qu'a-t-il pu se passer ?» Mais, à mon étonnement, lorsqu'il nous fut possible enfin de quitter notre abri, la jeune femme, au lieu de revenir vers les Sablonnières, continua son chemin et me demanda de la suivre. Nous arrivâmes, après avoir longtemps marché, devant une maison que je ne connaissais pas, isolée, au bord d'un chemin défoncé qui devait aller vers Prévrange. C'était une petite maison bourgeoise, couverte en ardoise, et que rien ne distinguait du type usuel dans ce pays, sinon son éloignement et son isolement. À voir Yvonne de Galais, on eût dit que cette maison nous appartenait et que nous l'avions abandonnée durant un long voyage. Elle ouvrit, en se penchant, une petite grille et se hâta d'inspecter avec inquiétude le lieu solitaire. Une grande cour herbeuse, où des enfants avaient dû venir jouer pendant les longues et lentes soirées de la fin de l'hiver, était ravinée par l'orage. Un cerceau trempait dans une flaque d'eau. Dans les jardinets où les enfants avaient semé des fleurs et des pois, la grande pluie n'avait laissé que des traînées de gravier blanc. Et enfin, nous découvrîmes, blottie contre le seuil d'une des portes mouillées, toute une couvée de poussins transpercée par l'averse. Presque tous étaient morts sous les ailes raidies et les plumes fripées de la mer. À ce spectacle pitoyable, la jeune femme eut un cri étouffé. Elle se pencha et, sans souci de l'eau ni de la boue, triant les poussins vivants d'entre les morts, elle les mit dans un pan de son manteau. Puis nous entrâmes dans la maison dont elle avait la clé. 4 portes s'ouvraient sur un étroit couloir où le vent s'engouffra en sifflant. Yvonne de Galais, ouvrit la première à notre droite et me fit pénétrer dans une chambre sombre, où je distinguai, après un moment d'hésitation, une grande glace et un petit lit recouvert à la mode campagnarde d'un édredon de soie rouge. Quant à elle, après avoir cherché un instant dans le reste de l'appartement, elle revint, portant la couvée malade dans une corbeille garnie de duvet, qu'elle glissa précieusement sous l'édredon. Et, tandis qu'un rayon de soleil languissant, le premier et le dernier de la journée, faisait plus pâle nos visages et plus obscur la tombée de la nuit, nous étions là, debout, glacés et tourmentés dans la maison étrange. D'instant en instant, elle allait regarder dans le nid fiévreux, enlever un poussin mort pour l'empêcher de faire mourir les autres. Et chaque fois, il nous semblait que quelque chose comme un grand vent par les carreaux cassés du grenier, comme un chagrin mystérieux d'enfants inconnus, se lamentait silencieusement. « C'était ici, me dit enfin ma compagne, la maison de Franz quand il était petit. Il avait voulu une maison pour lui tout seul, loin de tout le monde, dans laquelle il put aller jouer, s'amuser et vivre quand cela lui plairait. Mon père avait trouvé cette fantaisie si extraordinaire, si drôle, qu'il n'avait pas refusé. Et quand cela lui plaisait, un jeudi, un dimanche, n'importe quand, Franz partait habiter dans sa maison comme un homme. Les enfants des fermes d'alentour venaient jouer avec lui, l'aider à faire son ménage, travailler dans le jardin. C'était un jeu merveilleux. Et le soir venu, il n'avait pas peur de coucher tout seul. Quant à nous, nous l'admirions tellement que nous ne pensions pas même à être inquiets. Maintenant, et depuis longtemps, poursuivit-elle avec un soupir, la maison est vide. Monsieur de Galais, frappé par l'âge et le chagrin, n'a jamais rien fait pour retrouver ni rappeler mon frère. Et que pourrait-il tenter? Moi, je passe ici bien souvent. Les petits paysans des environs viennent jouer dans la cour comme autrefois. Et je me plais à imaginer que ce sont les anciens amis de Franz, que lui-même est encore un enfant et qu'il va revenir bientôt avec la fiancée qu'il s'était choisie. Ces enfants-là me connaissent bien. Je joue avec eux. Cette couvée de petits poulets était à nous. Tout ce grand chagrin dont elle n'avait jamais rien dit, ce grand regret d'avoir perdu son frère si fou, si charmant et si admiré, il avait fallu cette averse et cette débâcle enfantine pour qu'elle me les confiât. Et je l'écoutais sans rien répondre, le cœur tout gonflé de sanglots. Les portes et la grille refermées, les poussins remis dans la cabane en planches qu'il y avait derrière la maison, elle reprit tristement mon bras et je la reconduisis. Des semaines, des mois passèrent. Époque passée, bonheur perdu. De celle qui avait été la fée, la princesse et l'amour mystérieux de toute notre adolescence, c'est à moi qu'il était échu de prendre le bras et de dire ce qu'il fallait pour adoucir son chagrin, tandis que mon compagnon avait fui. De cette époque, de ces conversations le soir, après la classe que je faisais sur la côte de Saint-Benoît-des-Champs, de ces promenades où la seule chose dont il eût fallu parler était la seule sur laquelle nous étions décidés à nous taire, que pourrais-je dire à présent? Je n'ai pas gardé d'autre souvenir que celui, à demi effacé déjà, d'un beau visage amaigri, de deux yeux dont les paupières s'abaissent lentement tandis qu'il me regarde, comme pour déjà ne plus voir qu'un monde intérieur. Et je suis demeuré son compagnon fidèle, compagnon d'une attente dont nous ne parlions pas, durant tout un printemps et tout un été, comme il n'y en aura jamais plus. Plusieurs fois, nous retournâmes l'après-midi à la maison de Franz,

était maintenant avec nous dans la chambre. Sous les rideaux, cela se mit à crier, un petit cri aigu et prolongé. Alors Monsieur de Galais me dit à demi-voix, « C'est cette blessure à la tête qui l'a fait crier. » Machinalement, on sentait qu'il faisait cela depuis le matin et que déjà il en avait pris l'habitude, il se mit à bercer le petit paquet de rideaux. « Elle a ri déjà, dit-il, et elle prend le doigt. Mais vous ne l'avez pas vue. » Il ouvrit les rideaux, et je vis une rouge petite figure bouffie, un petit crâne allongé et déformé par les fers. « Ce n'est rien, dit Monsieur de Galais. Le médecin a dit que tout cela s'arrangerait de soi-même. Donnez-lui votre doigt, elle va le serrer. » Je découvrais là comme un monde ignoré. Je me sentais le cœur gonflé d'une joie étrange que je ne connaissais pas auparavant. Monsieur de Galais entr'ouvrit avec précaution la porte de la chambre de la jeune femme. Elle ne dormait pas. « Vous pouvez entrer, dit-il. » Elle était étendue, le visage enfiévré, au milieu de ses cheveux blonds épars. Elle me tendit la main en souriant d'un air las. Je lui fis compliment de sa fille. D'une voix un peu rauque et avec une rudesse inaccoutumée, la rudesse de quelqu'un qui revient du combat. « Oui, mais on me l'a abîmé, dit-elle en souriant. Il fallut bientôt partir pour ne pas la fatiguer. Le lendemain dimanche, dans l'après-midi, je me rendis avec une hâte presque joyeuse aux Sablonnières. À la porte, un écriteau fixé avec des épingles arrêta le geste que je faisais déjà. Prière de ne pas sonner. Je ne devinais pas de quoi il s'agissait. Je frappai assez fort. J'entendis dans l'intérieur des pas étouffés qui accouraient. Quelqu'un que je ne connaissais pas, et qui était le médecin de Vierzon, m'ouvrit. « Eh bien, qu'y a-t-il » fis-je vivement. « Chut, chut !» me répondit-il tout bas, l'air fâché. « La petite a failli mourir cette nuit, et la mère est très mal. » Complètement déconcerté, je le suivis sur la pointe des pieds jusqu'au premier étage. La petite fille, endormie dans son berceau, était toute pâle, toute blanche, comme un petit enfant mort. Le médecin pensait la sauver. Quant à la mère, il n'affirmait rien. Il me donna de longues explications, comme au seul ami de la famille. Il parla de congestion pulmonaire, d'embolie. Il hésitait, il n'était pas sûr. Monsieur de Galais entra, affreusement vieilli en 2 jours, hagard et tremblant. Il m'emmena dans la chambre sans trop savoir ce qu'il faisait. « Il faut, me dit-il tout bas, qu'elle ne soit pas effrayée. Il faut, a ordonné le médecin, lui persuader que cela va bien. » Tout le sang à la figure, Yvonne de Galais était étendue, la tête renversée comme la veille, les joues et le front rouge sombre, les yeux par instants révulsés comme quelqu'un qui étouffe. Elle se défendait contre la mort, avec un courage et une douceur indicibles. Elle ne pouvait parler, mais elle me tendit sa main en feu. Avec tant d'amitié que je faillis éclater en sanglots. « eh bien, dit Monsieur de Galais très fort, avec un enjouement affreux qui semblait de folie. « Vous voyez bien que pour une malade, elle n'a pas trop mauvaise mine. » Et je ne savais que répondre. Mais je gardais dans la mienne la main horriblement chaude de la jeune femme mourante. Elle voulut faire un effort pour me dire quelque chose, me demander je ne sais quoi. Elle tourna les yeux vers moi, puis vers la fenêtre, comme pour me faire signe d'aller dehors chercher quelqu'un. Mais alors une affreuse crise d'étouffement la saisit. Ses beaux yeux bleus qui, un instant, m'avaient appelé si tragiquement, se révulsèrent. Ses joues et son front noircirent, et elle se débattit doucement, cherchant à contenir jusqu'à la fin son épouvante et son désespoir. On se précipita, le médecin et les femmes avec un ballon d'oxygène, des serviettes, des flacons, tandis que le vieillard, penché sur elle, criait, criait comme si déjà elle eût été loin de lui, de sa voix rude et tremblante. « N'aie pas peur, Yvonne, ce ne sera rien, tu n'as pas besoin d'avoir peur !» Puis la crise s'apaisa, elle put souffler un peu, mais elle continua à suffoquer à demi, les yeux blancs, la tête renversée, luttant toujours. Mais incapable, fût-ce un instant, pour me regarder et me parler, de sortir du gouffre où elle était déjà plongée. Et comme je n'étais utile à rien, je dus me décider à partir. Sans doute, j'aurais pu rester un instant encore, et à cette pensée, je me sens étreint par un affreux regret. Mais quoi, j'espérais encore. Je me persuadais que tout n'était pas si proche. En arrivant à la lisière des sapins, derrière la maison, songeant au regard de la jeune femme tournée vers la fenêtre, j'examinais avec l'attention d'une sentinelle ou d'un chasseur d'hommes la profondeur de ce bois, par où Augustin était venu jadis, et par où il avait fui l'hiver précédent. Hélas, rien ne bougea. Pas une ombre suspecte, pas une branche qui remue. Mais, à la longue, là-bas, vers l'allée qui venait de Prévrange, j'entendis le son très fin d'une clochette. Bientôt parut au détour du sentier un enfant avec une calotte rouge et une blouse d'écolier que suivait un prêtre. Et je partis, dévorant mes larmes. Le lendemain, était le jour de la rentrée des classes. À 7 heures, il y avait déjà 2 ou 3 gamins dans la cour. J'hésitais longuement à descendre, à me montrer. Et lorsque je parus enfin, tournant la clé de la classe moisie qui était fermée depuis 2 mois, ce que je redoutais le plus au monde arriva. Je vis le plus grand des écoliers se détacher du groupe qui jouait sous le préau et s'approcher de moi. Il venait me dire que la jeune dame des Sablonnières était morte hier à la tombée de la nuit. Tout se mêle pour moi, tout se confond dans cette douleur. Il me semble maintenant que jamais plus je n'aurai le courage de recommencer la classe. Rien que traverser la cour aride de l'école, c'est une fatigue qui va me briser les genoux. Tout est pénible, tout est amer puisqu'elle est morte. Le monde est vide, les vacances sont finies. Fini les longues courses perdues en voiture. Fini la fête mystérieuse. Tout redevient la peine que c'était. J'ai dit aux enfants qu'il n'y aurait pas de classe ce matin. Ils s'en vont par petits groupes porter cette nouvelle aux autres à travers la campagne. Quant à moi, je prends mon chapeau noir, une jaquette bordée que j'ai, et je m'en vais. Misérablement vers les Sablonnières. Me voici devant la maison que nous avions tant cherchée il y a 3 ans. C'est dans cette maison qu'Yvonne de Galet, la femme d'Augustin Mône, est morte hier soir. Un étranger la prendrait pour une chapelle, tant il s'est fait de silence depuis hier dans ce lieu désolé. Voilà donc ce que nous réservait ce beau matin de rentrée, ce perfide soleil d'automne qui glisse sous les branches. Comment lutterai-je contre cette affreuse révolte, cette suffocante montée de larmes? Nous avions retrouvé la belle jeune fille, nous l'avions conquise. Elle était la femme de mon compagnon, et moi, je l'aimais de cette amitié profonde et secrète qui ne se dit jamais. Je la regardais et j'étais content, comme un petit enfant. J'aurai un jour, peut-être, épousé une autre jeune fille. Et c'est à elle, la première, que j'aurai confié la grande nouvelle secrète. Près de la sonnette, au coin de la porte, on a laissé l'écriteau d'hier. On a déjà apporté le cercueil dans le vestibule, en bas. Dans la chambre du premier, c'est la nourrice de l'enfant qui m'accueille, qui me raconte la fin, et qui entr'ouvre doucement la porte. La voici. Plus de fièvre, ni de combat, plus de rougeur, ni d'attente, rien que le silence. Et, entourée d'ouate, un dur visage, insensible et blanc, un front mort, d'où sortent les cheveux drus et durs. Monsieur de Galais, accroupi dans un coin, nous tournant le dos, est en chaussettes, sans souliers, et il fouille avec une terrible obstination dans des tiroirs en désordre, arrachés d'une armoire. Il en sort de temps à autre, avec une crise de sanglots qui lui secoue les épaules comme une crise de rire, d'une photographie ancienne, déjà jaunie, de sa fille. L'enterrement est pour midi. Le médecin craint la décomposition rapide qui suit parfois les embolies. C'est pourquoi le visage, comme tout le corps d'ailleurs, est entouré d'ouate imbibé de phénol. L'habillage terminé, on lui a mis son admirable robe de velours bleu sombre, semée par endroits de petites étoiles d'argent. Mais il a fallu aplatir et friper les belles manches à gigot maintenant démodées. Au moment de faire monter le cercueil, on s'est aperçu qu'il ne pourrait pas tourner dans le couloir trop étroit. Il faudrait, avec une corde, le hisser dehors par la fenêtre, et de la même façon le faire descendre ensuite. Mais monsieur de Galais, toujours penché sur de vieilles choses parmi lesquelles il cherche on ne sait quel souvenir perdu, intervient alors avec une véhémence terrible. « Plutôt, dit-il d'une voix coupée par les larmes et la colère, plutôt que de laisser faire une chose aussi affreuse, c'est moi qui la prendrai et la descendrai dans mes bras. » Et il ferait ainsi, au risque de tomber en faiblesse, à mi-chemin et de s'écrouler avec elle. Mais alors je m'avance, je prends le seul parti possible, avec l'aide du médecin et d'une femme, passant un bras sous le dos de la morte étendue, l'autre sous ses jambes, je la charge contre ma poitrine. Assise sur mon bras gauche, les épaules appuyées contre mon bras droit, sa tête retombante retournée sous mon menton, elle pèse terriblement sur mon cœur. Je descends, lentement, marche par marche, le long escalier raide, tandis qu'en bas, on apprête tout. J'ai bientôt les deux bras cassés par la fatigue. À chaque marche, avec ce poids sur la poitrine, je suis un peu essoufflée. Agrippée au corps inerte et pesant, je baisse la tête sur la tête de celle que j'emporte. Je respire fortement et ses cheveux blonds, aspirés, m'entrent dans la bouche, les cheveux morts qui ont un goût de terre. Ce goût de terre et de mort, ce poids sur le cœur, c'est tout ce qui reste pour moi de la grande aventure. Et de vous, Yvonne de Galais, jeune femme tant cherchée, tant aimée. Chapitre 13. Le cahier de devoirs mensuels. Dans la maison pleine de tristes souvenirs, où des femmes, tout le jour, berçaient et consolaient un tout petit enfant malade, le vieux monsieur de Galais ne tarda pas à s'aliter. Au premier grand froid de l'hiver, il s'éteignit paisiblement. Et je ne pus me tenir de verser des larmes au chevet de ce vieil homme charmant, dont la pensée indulgente et la fantaisie alliée à celle de son fils avait été la cause de toute notre aventure. Et il mourut, fort heureusement, dans une incompréhension complète de tout ce qui s'était passé, et d'ailleurs dans un silence presque absolu. Comme il n'avait plus depuis longtemps ni parents ni amis dans cette région de la France, il m'institua par testament son légataire universel jusqu'au retour de Mône, à qui je devais rendre compte de tout, s'il revenait jamais. Et c'est aux Sablonnières désormais que j'habitais. Je n'allais plus à Saint-Benoît que pour y faire la classe, partant le matin de bonne heure, déjeunant à midi d'un repas préparé au domaine, que je faisais chauffer sur le poêle, et rentrant le soir aussitôt après l'étude. Ainsi, je pus garder près de moi l'enfant que les servantes de la ferme soignaient. Surtout, j'augmentai mes chances de rencontrer Augustin, s'il rentrait un jour aux Sablonnières. Je ne désespérais pas, d'ailleurs, de découvrir à la longue dans les meubles, dans les tiroirs de la maison, quelque papier, quelque indice qui me permît de connaître l'emploi de son temps durant le long silence des années précédentes, et peut-être ainsi de saisir les raisons de sa fuite, ou tout au moins de retrouver sa trace. J'avais déjà vainement inspecté je ne sais combien de placards et d'armoires, ouvert dans les cabinets de débarras une quantité d'anciens cartons de toutes formes, qui se trouvaient tantôt remplis de liasses de vieilles lettres et de photographies jaunies de la famille de Galais, tantôt bondés de fleurs artificielles, de plumes, d'aigrettes et d'oiseaux démodés. Il s'échappait de ces boîtes je ne sais quelle odeur fanée, quel parfum éteint, qui, soudain, réveillait en moi pour tout un jour les souvenirs, les regrets, et arrêtait mes recherches. Un jour de congé, enfin, j'avisai au grenier une vieille petite malle, longue et basse, couverte de poils de porc à demi rongés, et que je reconnus pour être la malle d'écolier d'Augustin. Je me reprochai de n'avoir point commencé par là mes recherches. J'en fis sauter facilement la serrure rouillée. La malle était pleine jusqu'au bord des cahiers et des livres de Sainte Agathe. Arithmétique, littérature, cahiers de problèmes, que sais-je. Avec attendrissement, plutôt que par curiosité, je me mis à fouiller dans tout cela, relisant les dictées que je savais encore par cœur, tant de fois nous les avions recopiées. La Queduc de Rousseau, Une aventure en Calabre de P.L. Courrier, Lettre de Georges Sand à son fils. Il y avait aussi un cahier de devoirs mensuels. J'en fus surpris, car ces cahiers restaient au cours, et les élèves ne les emportaient jamais au dehors. C'était un cahier vert, tout jauni sur les bords. Le nom de l'élève, Augustin Mône, était écrit sur la couverture, en ronde magnifique. Je l'ouvris. À la date des devoirs, avril 1890, je reconnus que Mône l'avait commencé peu de jours avant de quitter Sainte-Agathe. Les premières pages étaient tenues avec le soin religieux qui était de règle lorsqu'on travaillait sur ce cahier de composition. Mais il n'y avait pas plus de 3 pages écrites. Le reste était blanc. Et voilà pourquoi Mône l'avait emporté. Tout en réfléchissant, agenouillé par terre, à ses coutumes, à ses règles puériles qui avaient tenu tant de place dans notre adolescence, je faisais tourner sous mon pouce le bord des pages du cahier inachevé. Et c'est ainsi que je découvris de l'écriture sur d'autres feuillets. Après 4 pages laissées en blanc, on avait recommencé à écrire. C'était encore l'écriture de Mône, mais rapide, mal formée, à peine lisible. De petits paragraphes de largeurs inégales, séparés par des lignes blanches. Parfois ce n'était qu'une phrase inachevée, quelquefois une date. Dès la première ligne, je jugeais qu'il pouvait y avoir là des renseignements sur la vie passée de Mône à Paris, des indices sur la piste que je cherchais, et je descendis dans la salle à manger pour parcourir à loisir, à la lumière du jour, l'étrange document. Il faisait un jour d'hiver clair et agité. Tantôt le soleil vif dessinait les croix des carreaux sur les rideaux blancs de la fenêtre, tantôt un vent brusque jetait aux vitres une averse glacée. Et c'est devant cette fenêtre, auprès du feu, que je lus ces lignes, qui m'expliquèrent tant de choses, et dont voici la copie très exacte.